souvient d'alors Trissotin, qui va être copieusement moqué par Clitandre. Leur échange de vacherie, habilement tourné, est interrompu par le valet de Vadius qui remet à Philamète le billet suivant. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses et que vous ferez bien de ne point conclure ce mariage que vous n'ayez vu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture, où je prétends vous le dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle, où vous verrez, noté en marge, tous les endroits qu'il a pillés.